marche où l'air de rien, la mélodie fait la musique, nous dit les mots, les sols en flot. Alors on s'assoit sur la plage et on écoute le va-et-vient des vagues. Une trompette fait trompette, baignant son humide et bête, les tambours noirs jouent l'air de rien. Alors on s'assoit sur la plage et on écoute le va-et-vient des vagues. Puis un piano, les pieds à l'eau, patauge comme un enfant tranquille, sans insolence, l'installation l'immobilise dans la chanson. Mais moi j'aime à me dire qu'il danse, je vois les touches dans la cadence, danser comme une grosse africaine, en écoutant le chant des baleines. Un tambour noir joue l'air de rien, la mélodie fait la musique, nous dit les mots de sol en flot. Alors on s'assoit sur la plage et on écoute le va-et-vient de nos cœurs battants. Alors on s'assoit sur la plage et on écoute le va-et-vient de nos cœurs.